Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode des Projets du Web, épisode numéro 10. Salut tout le monde, salut Lucas. Salut Will. Tu vas bien? Ça va, ça va. Et toi? Ça va bien, il fait super frais du côté de chez moi, mais ça va Bon, moi tranquille. un peu fatigué de ma semaine de rush là, mais bon, ça va. Alors, est-ce que tu veux nous faire le sommaire de cette émission, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs projets et petits sites. On a un peu tout mélangé. Donc d'abord, on va vous parler de Flutter, un espèce de bouton qu'on peut mettre sur des sites pour distribuer de l'argent. Quel domaine? Un site qui nous permet justement de trouver un domaine sur le net. Et on va vous parler aussi de ToneWolfram et AudioTool, ces deux espèces de, on peut appeler ça presque des jeux qui nous permettent de faire des musiques sur Internet. Un pour des sonneries de téléphone, un juste pour le fun. Universal Subtitles qui permet de sous-titrer collaborativement des vidéos. Hyperwords qui permet sur Internet, quand on surligne un mot, un bout de texte ou quoi, de faire tout de suite plein de différentes recherches. Et ViewTrue qui nous permet de voir ce que cachent les raccourcisseurs d'URL, les URL raccourcis qu'on voit notamment sur Twitter. Et en petite discussion, on va parler de quoi, Will? Alors ça va être un petit peu l'expansion des réseaux sociaux, donc on va parler un petit peu de Facebook, Twitter, Foursquare, très légèrement Blippi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le tester, et un petit peu MySpace, et bon, on va présenter tout simplement les différents services si vous ne les connaissez pas encore, les principaux rôles et l'intérêt qu'ils vont avoir. Et les dérives qu'il peut y avoir sur chacun. Ensuite, l'utilisation réelle que les gens vont en faire, on en parlera notamment pour Twitter. Ensuite, l'un domaine, la sécurité et la confidentialité des données. C'est un gros problème au niveau des réseaux sociaux. Et ensuite, bah, pour conclure, l'avenir de ces réseaux et est-ce qu'il va y en avoir d'autres, est-ce qu'ils vont mourir? Et pour ce premier sujet, je vais vous présenter donc Flutter. Flutter, pour donner un petit peu une indication à quoi ça ressemble, ça serait un petit peu, je sais pas si vous avez déjà vu sur les sites internet des petits boutons PayPal où on peut donner un petit peu d'argent comme ça, donner des dons finalement. Bah, c'est un petit peu sous ce principe-là. Ce sera un petit bouton flatteur qu'on pourra mettre sur un site. Mais à la différence près qu'on va faire une sorte de licence globale. Alors, c'est licence globale, mais qu'on va choisir. C'est-à-dire qu'on crée son compte. On choisit les artistes qu'on aime bien. Alors, artiste, c'est au sens vraiment très large. Par exemple, un blog peut très bien avoir son petit bouton flatteur, comme une personne, comme des artistes au niveau musique, vidéo, audio. Il y a vraiment tout. C'est vraiment assez large. Donc on va choisir les personnes qu'on aime bien, les artistes, et on va se fixer une somme par mois, par exemple 5 euros, et nos 5 euros vont être divisés parmi toutes les personnes qu'on a choisies. Donc évidemment, si on en choisit une ou deux, on va avoir une somme beaucoup plus importante et on va beaucoup plus les aider que si on décide de sélectionner tout le monde qu'on connaît. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Lucas, de ce nouveau système? Bah, déjà, je trouve ça plutôt pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le bouton, en fait, il est présenté un peu comme les boutons, les dislikes et compagnie. Donc, on arrive sur le site, on voit qu'il y a le bouton, on dit oh, on aime bien. Hop, on va cliquer, on a juste à cliquer. Et donc, après, on n'a même pas besoin de s'occuper à combien on distribue. C'est sympa, quoi, pour les sites vraiment qui nous plaisent et compagnie. Enfin, Pour ceux qui ne connaissent pas les boutons dig, en fait, c'est on va avoir le numéro, le nombre de personnes qui sont derrière cet artiste-là, par exemple. Donc voilà. Petite chose amusante également, c'est que c'est fait par les créateurs de The Pirate Bay. C'est un tracker de torrent, si je vais pas rentrer dans le détail si vous connaissez pas si vous ne le connaissez pas. en général, quand ils font quelque chose, ils s'en sortent plutôt bien. Ils le font bien. Par contre, c'est comme à la manière de PayPal, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une commission aussi derrière. Si je ne me trompe pas, c'est à chaque transaction, ils vont prendre un très léger pourcentage. Donc voilà. Donc, pour que le site puisse finalement survivre et l'infrastructure bah, survivre tout simplement. Donc voilà pour ce petit projet Flutter. Je vais enchaîner sur un projet assez sympathique. Enfin, pour moi, je trouve qu'on s'est bien amusé avec Lucas dessus. C'est queldomaine.com. Donc, quel domaine? Bah, c'est assez évident, disons, de quel sujet on va parler. On tape tout simplement donc, des mots-clés. Donc, on va par exemple tester les projets du web, par exemple. Et il va nous balancer tous les .com, .fr, .net, enfin les domaines évidemment, s'ils sont libres, s'ils sont enregistrés, qui les a, si on peut les acheter maintenant. Donc voilà, c'est tout Et simple. s'ils sont bientôt libres aussi. S'ils sont bientôt libres, oui, si l'expiration va bientôt arriver, date d'expiration. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ce petit outil vachement sympa, très pratique. L'avantage, c'est quand on veut créer un site, qu'on n'a pas trop d'idées de nom de domaine, mais qu'on veut par exemple vendre quelque chose, on met juste les deux, trois mots, puis il va se charger lui-même de d'inventer quelque chose, en fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'on met vraiment des mots-clés, on n'a pas besoin d'avoir une adresse précise. Justement, le but, c'est de te donner l'adresse précise. Et voilà, il va t'aider. Et évidemment, après, si on trouve que le service a été plutôt sympa, on peut les aider en enregistrant des domaines avec leurs partenaires. Donc on voit par exemple GoDaddy, Netissim, Néodomaine. Et en enregistrant avec cela, par le biais du site QuelDomaine, on aide un peu le service QuelDomaine si on a trouvé son utilisation très sympa. Et maintenant, Lucas, tu vas nous parler un petit peu de musique. Enfin, ma musique est un bien grand mot, mais tout d'abord je vous parlais de Wolfram Tones. C'est un petit site qui permet de créer des sonneries pour téléphone. Bon, ça nous renvoie tout de suite aux sonneries, aux vieilles sonneries sur nos vieux téléphones qu'on était content d'avoir, les sonneries polyphoniques. Donc pas de voix, des sons un peu saturés et tout. Mais il y a beaucoup de choix, il y a plusieurs styles. Choisir parmi plusieurs styles, puis après on peut vraiment les créer de A à Z. Donc on peut choisir tous les instruments, choisir quand mettre l'instrument et tout. Donc faire une vraie personnalisation de la sonnerie. C'est des sonneries qui sont un peu dépassées, disons, au niveau son à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est plutôt sympa. Je sais pas si toi t'as testé un petit peu pour voir. Si j'ai testé un petit peu, c'est sympa si on aime, ouais, voilà, le style un peu vintage, on va appeler ça comme ça. Je pense que justement, en fait, une sonnerie comme ça fait un petit peu plus discret que les sonneries qu'on a aujourd'hui quand même. Avec les vieux MP3 là, ouais, je Ouais, trouve. Hein. Parce que là, exactement. pour donner un exemple, le son il ressemble un peu au son MIDI ou ce genre de choses, donc c'est assez. Enfin, c'est les vieux trucs un petit peu qu'on avait avant, mais c'est vrai que c'est reconnaissable en tout cas. Donc voilà, donc après des sonneries, j'ai un autre site aussi où on peut créer de la musique, mais pas pour des sonneries, là, c'est Audio Tool. Donc c'est un peu un simulateur ouais, de musique, en fait, avec plusieurs instruments. Mais pas des instruments classiques, les instruments c'est une espèce de boîte à rythme et tout. On branche entre eux et ça nous permet de créer des chansons complètes. On peut les sauvegarder, les partager. Et il y a plusieurs choix en fait. On a trois types d'instruments et on a plein de modificateurs de son. On a plusieurs instruments, on a trois types d'instruments en fait. Donc un espèce de piano et un espèce, tu disais, d'iPad, bon, je suis pas tout à fait d'accord, avec plusieurs touches qui font du son en fonction de laquelle on appuie. Et après, on a plusieurs modules d'effet pour changer le son à l'entrée et la sortie des chansons. C'est un peu dur à prendre en main au départ, il faut comprendre que chaque boîte, il faut les relier avec des fils, etc. Mais après, c'est sympa, le rendu peut être plutôt pas mal, il y a pas mal de choix à faire. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, sur la partie un petit peu prise en main, un peu délicate, mais j'ai adoré la partie, en fait, pour aller plus en profondeur, donc on prend une boîte, donc on va appeler ça, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme des pédales qu'on a en guitare pour donner par exemple de la, Ouais, les pédales wah-wah. voilà, wah-wah, overdrive et tout ça, et donc en fait on pose ça, on peut les régler, etc., et en fait on tire un câble en fait jusqu'aux différents éléments. Et donc voilà, moi j'ai appelé ça un iPad parce que c'est un espèce de grand cadre avec un écran qu'on peut écrire des choses dessus et ça va faire un son. Et donc on branche, on fait ses bidouilles, on branche tous ces trucs et puis après on fait lecture et là voilà, on a du son, on peut faire varier tout ça et j'ai trouvé ça super sympa. Et bon, évidemment, moi j'ai pas fait des trucs terribles, terribles, mais j'ai entendu des créations là sur le site, sur la page principale et les gens ils font des trucs super quoi. Donc je sais Il faut pas. y passer un peu de temps quand même dessus, hein, parce que déjà pour saisir comment fonctionne chaque instrument, c'était pas super simple. C'est pas du tout expliqué en fait, c'est vraiment Par contre, ouais, vraiment trouvé par soi-même. on a l'impression que c'est un peu plus professionnel dans le sens où quand on sait comment fonctionnent ces éléments-là dans la vraie vie, je pense que on fait ça facilement quoi. Mais pour une personne qui connaît pas, c'est vrai que moi je vois tous ces boutons-là, je sais pas à quoi ils servent. Non, je suis d'accord. Petite précision également, c'est qu'il est entièrement en flash cette partie-là. Et donc on peut déplacer donc les éléments sur une page, on peut dézoomer dessus. Donc en fait, on a vraiment un plan de travail et on pose tous nos éléments et Les instruments, ils ont des vraies têtes d'instruments. C'est pas juste une ligne pour chaque loop. Sans les instruments, c'est limite des photos, quoi. voilà, c'est vraiment, on a Super vraiment sympa. l'impression de brancher nos câbles sur des vrais éléments. Donc voilà. Donc on quitte un petit peu la musique, on va parler maintenant de Universal Subtitles, pardon. Universal Subtitles donc est un projet avec la Mozilla Foundation derrière, donc c'est quelque chose comme qui a une bonne importance. Ils veulent en fait faire des sous-titres pour les vidéos tout simplement, hein, mais de façon collaborative. Donc que tout le monde puisse, avec une interface vraiment facile, user-friendly, quelque chose de vraiment accessible à tout le monde, pouvoir récupérer une vidéo, mettre des sous-titres, incorporer des sous-titres, et ensuite les re-uploader. Donc voilà, donc c'est. Il prévoit également de mettre un add-on dans Firefox qui va pouvoir faciliter l'utilisation du service. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, Lucas, et tu me disais que c'était assez compliqué au niveau de faire des sous-titres, parce qu'on avait vraiment un temps imparti. Donc, Ouais, en général, pour faire des sous-titres, c'est découpé par temps de dialogue. Et en fait, sur ce temps de dialogue, en fonction du temps, on a le droit qu'il y ait un certain nombre de lettres ou de syllabes. Je ne sais plus exactement, il me semble que c'est un certain nombre de lettres limitées, en fait, pour que, disons, n'importe qui puisse lire aisément les sous-titres. Donc là, en même temps, en mettant à la portée de n'importe qui les sous-titres, le problème, c'est que je pense que ça peut vite devenir assez illisible, quoi. Trop de sous-titres parce qu'il y a trop de dialogues et que des gens vont vouloir tout sous-titrer ou peut-être pas assez, quoi. Mais après, ça peut être sympa pour les petites vidéos qui ne demandent pas énormément de compréhension, les vidéos virales, tout ce qui fait un peu des vidéos de buzz et compagnie. Ça peut être pratique. moi, j'aime beaucoup ce projet-là parce que déjà, bon, c'est la Mozilla Foundation, donc derrière ça, c'est des standards libres. Ils mettent vraiment cette partie-là en avant. Donc, c'est sous licence GPL si vous connaissez. Donc, c'est évidemment gratuit. Et c'est le côté collaboratif, moi, qui m'a plu. Mais après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, qu'est-ce que tu m'avais dit? C'est un petit peu comme Wikipédia, tu sais, c'est accessible à tout le monde et donc du coup, parfois ça dérive. Est-ce que ça va être le cas pour les sous-titres, je sais pas. Mais je pense que Bah, c'est je vrai que. pense que le seul problème qu'il y aura, c'est des sous-titres pas tout à fait lisibles pour les gens qui savent pas lire assez vite. Pas adapté. Donc, Oui, ça va voilà, être le seul problème. qui vont Après, partir si ça trop vite. fait pas mal, s'ils arrivent à pas mal en faire parler et compagnie, je pense qu'on peut pour trouver des. Il va y avoir des vraies personnes qui sont là-dedans qui vont venir faire des sous-titres aussi, Voilà, moi ce que je vois peut-être. aussi, ouais, c'est vraiment cette partie-là. L'intérêt, c'est que ça va faire vraiment des standards libres en fait. Et ça, c'est important parce que un standard libre, généralement, il n'a pas trop de problèmes pour être porté Un peu partout. un peu partout. Voilà, donc C'est c'est. souvent multiplateforme. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, donc moi je trouve ça bien et je suis content de voir que la fondation Mozilla est très très active. On ne se rend pas compte, on voit vraiment que Firefox, mais derrière, il y a énormément de choses quand on passe sur leur site, beaucoup de projets. Donc voilà, donc je suis très content de voir qu'il bouge beaucoup. Et donc on reste toujours dans le domaine du texte avec HyperWords. Donc Lucas, je t'en prie. Donc HyperWords, c'est un add-on pour Firefox et Chrome qui permet en fait quand on surligne un bout de texte ou juste un mot, il y a une petite bille qui apparaît, enfin il y a plein de réglages de toute façon. Mais en gros, ça nous permet de tout de suite depuis ce mot de nous faire une recherche sur plusieurs moteurs de recherche, donc Google, Bing, Yahoo. On peut faire tout de suite des recherches dans les images, on peut tout de suite aussi traduire le mot, si c'est une unité de distance, de poids, on peut la convertir dans d'autres unités. Et ça marche plutôt bien. Par contre, moi j'ai eu un problème avec sous Chrome. Quand j'appuyais sur CTRL, il m'affichait une espèce de fenêtre au milieu que je ne pouvais pas fermer. Donc j'ai pas pu le tester très très longtemps. Donc j'étais vite obligé d'enlever à cause de ça. Mais toi, tu m'as dit que tu avais un peu plus testé, tu avais un peu plus regardé dans les préférences pour les modifications. Oui, bah moi je suis resté sur Firefox, par contre j'ai pas testé ça sur Chrome ou Chromium. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est pour la conversion. Ça c'est vraiment très pratique parce que je perds toujours un temps fou à aller par exemple sur pour la conversion de monnaie, il y a un site qui s'appelle xe.com. Donc faut toujours aller sur le site, on met sa devise, etc. Enfin c'est assez compliqué. Et donc là il y a pour les. C'était vraiment très très pratique sur ce côté-là. Par contre, pour les recherches d'images et ce genre de choses, je pense qu'on est beaucoup plus rapide à aller sur Google, comme on en parlait. Et c'est un réflexe à prendre, mais c'est vraiment une super bonne idée, c'est un super add-on. Mais au final, à l'utilisation, je pense qu'on n'a pas les réflexes de souligner un mot, de faire clic droit et d'aller dans les options. Je pense que c'est un réflexe qui peut vite venir quand même. Parce que je vois Ouais. sous Chrome de base, quand je surligne un mot, hop, si je fais un clic droit, il me propose tout de suite rechercher avec Google. Mais c'est le seul truc qu'il me propose. Et là, en fait, il propose tellement de trucs en plus qui peuvent faire gagner du temps, ça peut être pas mal intéressant. Mais il y a, oui, il y a, par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de réglages. Tu parlais de la petite bille. Moi, je sais que du coup, j'ai configuré juste pour le clic droit. Donc, je sélectionne un texte, je fais clic droit. Et ensuite, par exemple, je fais une recherche et puis Google et puis ça va directement. Donc, c'est vrai que je pense pour des recherches spécifiques qu'on fait régulièrement. Donc, par exemple, je pense que le plus grand intérêt serait par exemple les conversions et la traduction. Pour éviter d'aller par exemple sur Google, traduction, et puis après on tape ces trucs. Donc là, ça peut être des raccourcis, je pense, pas mal. Donc voilà. Donc pour finir, t'as un dernier truc à nous présenter. Donc c'est encore une petite extension. Donc cette fois-ci que pour Chrome, j'ai pas trouvé d'équivalent sur Firefox. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me le dire. Qui s'appelle ViewThrough. Je sais pas si je le prononce bien. Je doute. J'ai un gros doute. Et c'est en fait tout simplement pour afficher l'adresse qu'il y a dans les raccourcisseurs d'URL comme tinyurl, bitly. Et parce que souvent on hésite à cliquer sur le lien parce qu'on ne sait pas ce que ça cache et ça peut être n'importe quoi, des sites avec des scripts mal intentionnés ou ce genre de choses. Et donc là en fait, il va nous afficher directement Le lien le complet. lien complet. Donc on sait au moins avec l'adresse si c'est quelque chose d'à peu près louche ou pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un petit truc super sympa et vu que les raccourcisseurs d'URL sont énormément utilisés dans les réseaux sociaux dont on va parler, je pense que c'est très intéressant. Et puis je me suis rendu compte quand même, ça arrive même de plus en plus dans les forums, parce que les gens qui ont déjà les liens récupérés sur Twitter, ils s'embêtent pas à les remettre normal, ils gardent les liens en bit.ly et tout, donc c'est rarement où on va finalement. Alors Exactement. qu'il y a des endroits où on n'est pas pressé par le nombre de caractères. Cette fois-ci, on va discuter de l'expansion des réseaux sociaux. Donc, on va baser ça un peu sur trois points. Donc, d'abord, on va vous les présenter, différents services, leur rôle, leur intérêt, voir comment ils sont utilisés finalement, le côté sécurité et qu'est-ce qu'ils font de ce qu'on leur donne, et leur avenir. Donc, d'abord, on va commencer par les présenter. Vas-y, je te laisse commencer. Donc il y a Facebook, donc le plus connu. Donc ça va être plutôt pour un cercle privé. Donc c'est les amis, famille. Donc c'est pour partager un petit peu l'humeur du moment, les photos, par exemple de voyage. Donc c'est vraiment dans un esprit normalement voilà, familial. Donc c'est proche en fait des personnes que Ouais. normalement on connaît dans la vraie vie. Ouais, Voilà. tout à fait. Ensuite on a Twitter. Donc là, c'est un concept un petit peu différent. Ouais, c'est même l'opposé, je dirais. C'est vrai. Donc là, c'est pas du tout sur le principe qu'on connaît les personnes, même très rarement. C'est J'en connais asynchrone. pratiquement aucune sur Twitter. Si, j'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que très peu. C'est asynchrone, je disais, parce que on n'est pas forcément obligé d'être ami entre guillemets avec la personne. Par Il n'y exemple. a pas de réciproque. Voilà. C'est pas réciproque dans la manière de suivre et de suivre les gens. Exactement. C'est-à-dire que moi, je peux suivre Lucas et donc suivre ce qu'il dit et lui, il n'est pas obligé d'écouter toutes les bêtises que je peux dire. Donc voilà, donc ça c'est... D'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter, ça m'a. Je trouvais que ça résumait assez bien en fait. Il disait en gros Facebook, c'est pour les amis avec qui on a été à l'école, et Twitter pour ceux avec qui on aurait aimé être à l'école. Oui, j'ai vu celle-là, oui. En fait, ça résume assez bien, je trouve. Et au niveau de Twitter, ce qu'on peut remarquer, c'est que bah, c'est 140 caractères, donc c'est assez concis. C'est tant mieux, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des longs posts ou des choses comme ça. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que c'est vraiment quand on a des bonnes infos, des bons liens, des trucs assez intéressants, des vidéos YouTube, ou partager un petit moment, et ben hop, on l'envoie dessus. Ah, l'avantage du 140 caractères, c'est que c'est rapide à faire. Donc en fait, ça a dérivé un peu de son rôle Voilà. principal. Au départ, c'était juste partager une humeur. Maintenant, c'est vraiment partager une info le plus vite possible, partager des liens sympas. Enfin, ça, c'est pour C'est beaucoup, l'utilisation que j'en ai personnellement, quoi. voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que Facebook, parce que sur Facebook, c'est vrai qu'on va arriver sur le mur, etc. C'est un peu plus compliqué pour juste voilà juste écrire un petit truc genre voilà la vidéo. Je trouve que c'est un peu plus facile au niveau de Twitter, c'est on a notre message à taper, on écrit, puis basta, y a pas de fioriture entre guillemets à côté quoi. C'est vraiment on va à l'essentiel, c'est-à-dire l'information. Voilà. Le troisième réseau dont on voulait vous parler, c'était Foursquare. Alors là on est très mitigé. Parce Ah, que toi, t'es mitigé, moi non. c'était. Bah mitigé dans le sens où toi tu as bien accroché au réseau et moi pas du tout. On a testé. Moi j'ai testé sur l'iPhone, donc toi sur Android. Ouais, depuis, ça fait 2 jours. Bah moi c'est pareil, de près de 2 jours. Alors je pensais être accroché un petit peu au principe des badges, etc. Mais en fait, mais pas du tout. Ça m'a limite refroidi. Et le fait aussi que on n'est pas obligé d'être sur place pour check-in l'endroit, c'est-à-dire pour valider finalement l'endroit. Ouais, ça c'est parce que le GPS en fait il est pas assez précis donc il accepte de checker un truc qui est dans les à peu près 800 mètres. Parce que le GPS n'étant pas tout à fait précis, il se dit qu'il y a peut-être un décalage. Parce que moi je vois, j'avais fait justement placer un point à 200 mètres de chez moi et il me l'indiquait à plus de 1000 mètres. Donc là je me disais, si je peux même pas checker chez moi quand j'y suis, c'est pas super quoi. Je sais pas si ça vient du téléphone ou de l'application, etc. Mais enfin, moi j'ai l'impression que tu pouvais vraiment check de n'importe où, quoi. Parce que j'ai check des endroits qui étaient vraiment très loin et du coup j'ai gagné des badges, etc. Donc je me suis dit mince, alors peut-être que j'ai fait des mauvaises manipulations ou peut-être que Parce j'ai pas. que c'est bien parce que moi justement il y a un truc, j'étais justement dans un domaine et j'ai fait le check-in dans le domaine, il m'a dit que non parce qu'en fait il me géolocalisait un petit peu à côté, donc il m'a dit que non j'y étais pas, donc il a pas voulu que je fasse le check-in. Ok, bah tu me rassures. Donc il devait y avoir un petit souci avec le mien. Donc après, donc voilà, donc le côté badge normalement est censé être assez intéressant, prenant, fun, Ouais, qui moi vous c'est vraiment ça accroche. qui m'a amusé Et là voilà. en Donc, rentre. pour toi ça a fonctionné et pour moi manifestement j'ai pas du tout. L'autre jour, en rentrant de cours, en gros, toutes les 5 minutes, je l'ouvrais, je regardais ce qu'il y avait à côté, puis je marquais. Alors, j'étais tout content parce qu'il me disait, je faisais un trajet, j'étais à temps d'arrêt. Mais Alors. après, on n'a pas, enfin, j'ai pas testé assez longtemps pour vraiment voir le fond, donc j'ai obligé quelques amis à s'y mettre pour voir en fait un peu plus profondément. Donc, je pense que j'en reparlerai un petit peu plus la prochaine fois, juste D'accord. pour dire ce que On va j'en ai faire un vraiment retour, oui. pensé. Par contre, donc autant j'ai pas du tout aimé bon, bah, tous les aspects que j'ai pu citer, autant il y a un aspect qui me plaît énormément, c'est donc là par exemple je vais partir à l'étranger dans pas très longtemps, et là ça permet de faire comme les services comme Around Me ou Tell Me Where, qui permettent en fait de vous dire tout simplement qu'est-ce qu'il y a un petit peu à côté, est-ce qu'il y a un restaurant sympa, des petites infos dessus, par exemple. Par exemple, c'est vraiment, je sais pas cher du tout. Il y a des bons deals à avoir, etc. C'est gratuit, je sais pas le mardi, j'ai n'importe quoi. Donc ça, par contre, ce côté-là, est vraiment, je trouve très très intéressant. Mais fait peut-être doublon justement avec des services comme j'ai pu citer. Donc je sais pas ce que tu en penses sur ce point-là. Bah ouais, ça peut être sympa. Puis j'ai été étonné quand même parce qu'il y a une bonne base d'utilisateurs Foursquare, vu qu'il est justement il est plus reconnu que certains services là que tu as présentés comme Aroundme. Donc je pense à la limite ça peut être complémentaire. Donc dans le principe où tu te sers de Foursquare pour le fun, tu vas avoir les petites infos, mais tu vas quand même te servir de Aroundme à côté. Je pense que ça peut être complémentaire, ça peut être intéressant. Mais il faut pas s'en servir juste dans ce but-là, quoi, je pense. Non, il y a vraiment ce côté jeu, mais après c'est vrai qu'on accroche ou on n'accroche pas du tout quoi. Et le dernier c'est MySpace. Donc là, finalement, ça va être vraiment pour les musiciens. Donc c'est vraiment pour faire écouter ses morceaux, quelques vidéos, et bah voilà, tout C'est pour simplement. plus après avoir une petite base de fans et permettre de partager un petit peu avec les fans un peu plus proches. Mais je pense que maintenant, en fait, à la base, c'était vraiment pour ça MySpace. Puis après, c'est un peu dérivé, un peu n'importe qui avec son MySpace, franchement rien partager. Je sais qu'aux États-Unis, ça marche beaucoup plus que chez nous, où il y a encore des profils un peu juste comme ça pour avoir son profil. Mais là, de plus en plus, donc en fait. Il y a par exemple Facebook, Twitter qui a récupéré un peu les autres utilisations. Donc ça se purge un peu de ces gens-là et donc ça se retourne vraiment que sur la musique. On peut regarder pratiquement n'importe quel artiste à son MySpace qui permet de partager entre 5 et 10 chansons, des petits extraits et tout. Donc ça permet d'avoir une petite écoute, mais voilà quoi, sans plus. Et c'est le seul, enfin, à ma connaissance, qui propose ça. Ouais, et c'est aussi un des seuls qui est resté un petit peu dans son domaine. Il a dérivé, puis finalement il est revenu. Donc comme tu disais, c'était la musique au début, pour les artistes en tout cas. Il a dérivé un petit peu, c'est vrai que maintenant il revient vraiment vers ses racines, peut-être qu'il cherche aussi une identité, parce que maintenant il y a aussi Facebook qui est devenu plus qu'un concurrent, parce que maintenant il l'a dépassé largement. Et parce que justement, on va pouvoir comparer avec les autres. Et donc Facebook, à la base, c'était, comme on disait un petit peu vulgairement, un peu un copain d'avant pour les universités, c'était Harvard, si je me trompe pas. Ouais, Harvard, il me semble. Et maintenant, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, mais je pense que le mot n'importe quoi, le terme n'importe quoi est bien adapté parce que c'est vraiment Ça n'importe quoi. Il y devient a n'importe quoi. des vidéos, il y a des applications, on Il y a envoie des des images, jeux, des jeux, ouais, il y a des voilà. jeux, il y a des photos. Puis maintenant, il y a le bouton like qui s'exporte en dehors des autres, sur d'autres Oui, sites. voilà. Je pense que le terme n'importe quoi est vraiment bon parce que il y a un chat aussi, c'est vrai. Dès qu'ils trouvent une idée, en fait, ils l'incorporent dans Facebook. Alors, c'est vrai que grâce à ça, je pense qu'ils ont réussi à évoluer, justement. Ils ont évolué, alors que MySpace n'a pas changé depuis le début, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a commencé à être délaissé. Mais à la limite, enfin, c'est tant mieux quoi, parce qu'il sert vraiment juste à ça et c'est pas plus mal, je trouve, justement d'avoir vraiment trouvé son utilisation plutôt qu'en regrouper beaucoup, beaucoup. Parce que c'est vrai que Facebook essaie de faire ça, oui, il regroupe vraiment de tout ce qu'il peut. On a remarqué à un moment, enfin, je sais pas si tu avais remarqué ça, qu'avec la version Lite et tous ses dérivés, il essayait un petit peu de ressembler à Twitter. Il mettait un peu plus en avant le statut. Je sais pas si tu avais fait attention. Mais non, j'avais pas testé la version live, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, ils l'ont supprimée, elle n'existe plus. Ils l'ont pas laissé très longtemps. Par rapport à Twitter, donc le réseau a pas mal évolué quand même. Et mine de rien, il est assez vieux. On croit qu'il est récent, mais c'est vrai qu'il date à peu près de 2006-2007, si je dis pas de Oui, bêtises. 2006. 2006. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, la devise, c'était qu'est-ce qu'on faisait, partager ce qu'on faisait Ouais, en partager 140 son caractères. humeur en 140 Voilà, caractères, donc c'était vraiment c'est basé sur. Finalement, c'était un petit peu raconter sa vie. Facebook, quoi. Et là, la réelle utilisation, maintenant que les utilisateurs en font, c'est que. On a de l'information en temps réel, on a des bons liens, la bonne actu, ça fait aussi un peu, pour certains sites, ils s'en servent un peu comme flux RSS, Oui. balançant toutes leurs news. Ouais, tout à fait, ça fait un petit peu RSS, un peu plus vivant, parce qu'après on peut échanger, etc. Donc un RSS, c'est que dans un sens. Donc là, on a vraiment Oui. la possibilité de lui demander, par exemple, s'il a envoyé une chanson, on dira oh, j'aime bien, est-ce que tu peux me passer les autres, d'autres artistes, des liens, etc. Et du coup, c'est vrai que Twitter, du coup, a changé un petit peu sa devise. Et maintenant, c'est plus une devise qui nous dit qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'on veut partager. Donc on sent que le réseau du coup a évolué en fait avec l'utilisation qu'on en a faite et c'est les utilisateurs finalement qui ont un petit peu décidé Ouais, exactement, de bah, changer c'est un ça. ouais, c'est Twitter, ouais, c'est vraiment les utilisateurs qui ont fait le service. Clairement. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui tout le monde s'amusait entre guillemets à faire la devise de départ, c'est-à-dire bon genre je vais pas bien, je vais à la douche, je caresse mon chat, je pense que ça énerverait énormément de monde. Je pense que c'est un des réseaux qui a le plus bénéficié des utilisateurs. Il était vraiment assez simple, il n'y avait pas grand-chose. Et avec tous les Ah bah on peut services pas faire autour, plus simple. oui, bah c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on ne peut pas faire plus simple, mais pourtant au début il était assez Qu'est-ce qu'il est complet aussi, difficile finalement? de prendre en main au tout début. Oui, On parce que savait justement, pas quoi c'est trop faire. simple. On savait pas quoi en faire, vu que c'était trop simple. On a l'impression qu'il y avait rien à faire. Mon premier sentiment quand je suis arrivé dessus, c'est mais ça sert à quoi? Et sinon, par contre, Foursquare, donc lui, pour l'instant, il reste assez fidèle à sa création. Il a pas. Bah, Foursquare, ça reste quand même à la base, on dirait plus un jeu, donc je pense pas qu'il puisse vraiment dériver, vu qu'à base c'est un jeu, on crée des endroits et quand on est à cet endroit, on fait des check-in. C'est vraiment un jeu basé sur les badges et tout, donc je pense pas qu'on puisse changer les règles du jeu. Non. Donc ils ont. C'est un avantage comme ça peut être inconvénient parce que c'est vrai qu'on peut peut-être se lasser au bout d'un moment. Et donc là, on peut en venir aussi sur est-ce que ces réseaux-là ils vont tous durer. MySpace, on a vu qu'il est retourné vers la musique, donc je pense qu'il a une place. Alors après, maintenant, est-ce que les utilisateurs, pardon, vont continuer à utiliser ce service comme référence musicale un petit peu, je sais pas. Bah, moi personnellement je pensais que depuis le temps, depuis l'époque Skyblog et compagnie, il était mort MySpace. Ben Et moi puis aussi. dernièrement je suis retombé dessus plusieurs artistes que là la dernière fois je faisais des petites recherches musicales sur avec Wikipédia, et puis chaque artiste avait son MySpace quand même encore. Et des MySpace tenus à jour au niveau des musiques. Donc je pense pas, et même des artistes français, des artistes étrangers, et donc, je pense pas que ceux qui ont vraiment trouvé leur utilité, je pense pas qu'ils sont prêts de mourir. Et je pense qu'au niveau des réseaux comme Facebook, ils sont pas prêts de mourir parce qu'en fait, c'est comme on Ils disait tout à l'heure. s'agrandissent trop. Voilà. C'est qu'en fait, ils touchent tellement de choses que maintenant, c'est n'importe quoi, mais d'un autre côté, Ça devient on a tout. tout sous la main. Donc on se dit, bon, par exemple, on parlait d'un détail qui est plutôt intéressant, je trouve. Enfin, même si à la base, c'est un peu. Il n'y a rien à faire là, c'est le chat, par exemple. C'est désagréable, oui, mais d'un autre côté. Bah moi je sais que c'est pour ça que je lâche pas Facebook, Bah c'est voilà. juste grâce au chat. On n'a pas forcément envie de balancer ses coordonnées MSN, Google Talk, SMS, aux gens qu'on connaît, par exemple, du boulot ou des choses comme ça. On n'a pas forcément envie ou de l'université, etc. Donc là, c'est une bonne façon de parler vite fait avec eux sans plus que ça, quoi. Bah le chat c'était bien parce que comme tu dis au départ c'était un peu style copain d'avant, donc on retrouvait une personne d'il y a longtemps. Voilà. Voilà, le chat ça permettait de discuter en temps réel, de reprendre des nouvelles et de voir si vraiment on a envie de continuer à prendre des nouvelles sans l'avoir tout le temps sur notre dos sur MSN, tout de suite donner les adresses et etc. Moi je sais que personnellement aussi ça m'a servi justement pour arrêter MSN que je ne supportais plus. Bah, c'est vrai que maintenant, tout le monde a Facebook, quoi. Ouais. Comme je disais, j'avais une petite formule tout à l'heure, tout le monde connaît Twitter mais ne sait pas vraiment ce que c'est. Et pardon, Facebook, tout le monde en a un, mais ne sait pas vraiment bien l'utiliser. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on va dériver un petit peu sur la sécurité et la confidentialité des données. Et là, Facebook est, je pense, le plus gros exemple des dérives qu'on peut avoir. Les gens aujourd'hui, en fait, ne savent plus vraiment bien utiliser un réseau social et ne se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils mettent sur Internet. Ouais, par exemple, là, j'ai testé il y a quelques jours sur plusieurs amis proches. Pour aller voir dans les paramètres de confidentialité justement de Facebook, je sais que de temps en temps j'y fais un tour parce qu'à chaque fois qu'ils ajoutent une application, un système ou quoi, ils le cochent automatiquement qu'on partage toutes nos données avec ce type d'application en fait. Et donc en fait j'ai fait le test pour voir parmi mes amis qui s'y connaissent pas trop, qui regardent pas trop, pour savoir en fait, et sur les 3 ou 4 personnes que j'ai essayé. Ils avaient tous la quinzaine de cases cochées. J'accepte de partager mes informations avec ça, ça, ça et ça. Donc les gens, ils utilisent, mais ils se rendent pas compte finalement de ce qu'ils font. Non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que ça me fait sourire, mais j'ai vu des. On avait entendu plusieurs fois des personnes qui étaient en cavale, etc. et qui allaient sur Twitter, pardon, pas sur Twitter, mais sur Facebook, et ils se sont fait attraper comme ça. Non, mais là, C'est. faut être Les gens, ils suivent. complètement idiot. C'est vrai, mais j'ai vu de plus en plus de cas comme ça. Ils se rendent pas compte, quoi. Alors moi j'en ai vu par contre c'est justement juste pour se jouer de la police qui faisait ça. Oui, Sans dire il y en a un qui faisait coucou, ça, mais là, coucou, c'est différent, j'arrive à me c'est. connecter à internet, ciao. Là, c'était différent, c'était vraiment de la provocation exprès, quoi. Ouais. Tandis que les autres, ils communiquaient avec leurs complices comme ça par Facebook. Enfin, ils ont vraiment aucun sens de la sécurité. Et faut savoir aussi que Facebook avant avait un profil plutôt, comment dire, privé de base, et que maintenant ils ont vraiment switché sur quelque chose de public, de Ouais, tous très les ans, il y public. a, je sais plus quel site qui a partagé ça, pour montrer en fait, en gros, la devise de Facebook qui évoluait chaque année au niveau de la confidentialité, justement. Puis Parce que plus ils ont donné, plus mieux ils peuvent les après revendre. voilà, on comprend très vite que derrière ils vendent des pubs, ils vendent des informations, donc c'est un petit peu comme Google au niveau de la publicité, ils ont besoin Ah, c'est de la publicité des complètement utilisateurs. ciblée. Donc voilà. Mais je sais pas si vraiment c'est. Enfin, moi, pour moi, quand je vois des pubs sur Facebook, je vais jamais aller cliquer dessus, quoi. Je sais pas, Enfin. je fais même pas attention aux pubs qui me sont proposées, j'ai jamais cliqué sur une seule Donc j'ai pub du mal depuis. à me demander si vraiment ça a un impact, si c'est Oui, vraiment. parce Est-ce que qu'ils enfin, vraiment ils gagnent des choses, les publicitaires, les gens qui font pas attention, mine de rien, enfin je veux dire, sur le nombre d'utilisateurs, même s'il n'y en a que 10% qui cliquent, ça leur fait déjà rentrer beaucoup de trucs. Ouais, Et faut c'est vrai. voir que les pubs sur le côté, là, elles sont sur le côté droit, elles sont plutôt bien intégrées. Et des fois, on a juste l'impression que c'est. On va juste croire que c'est une application, donc ça m'étonne pas du tout s'il y en a qui cliquent. Et donc on va arrêter un petit peu sur Twitter, un petit peu te demander, enfin, je sais pas si on va y répondre, mais Est-ce que c'est un petit peu des réseaux sociaux qui sont de mode? Par exemple, Twitter, est-ce que c'est une mode? Est-ce que dans 5 ans, on va en avoir un peu marre et on va sauter sur un autre réseau qui sera un peu plus sympa, un peu plus évolué? Et lesquels finalement sont amenés, tu penses, à disparaître? Et si tu penses qu'il y aura peut-être d'autres qui vont prendre la relève? Bon, il y aura toujours des réseaux qui vont apparaître petit à petit, je pense. Après, ceux qui vont mourir, pour moi, c'est ceux qui n'arriveront pas à trouver déjà une base d'utilisateurs, puis une vraie utilisation. Par exemple, MySpace arrive à tenir depuis aussi longtemps, parce que finalement, ils ont vraiment trouvé, enfin, les utilisateurs en font vraiment une chose spécifique. Je pense que Twitter aussi, ça va durer longtemps, mais dans 5 ans, j'arrive pas à me projeter dans 5 ans, parce que déjà, ça fait pas 5 ans que ça existe, en gros, à ce point-là, les réseaux sociaux sont en train d'exploser actuellement, donc 5 ans, ça fait un peu loin pour se projeter, je crois. Après, quand on voit certains réseaux sociaux, quand on était plus jeune, par exemple, il y avait les Skyblog, Ouais. aujourd'hui, c'est complètement mort. Il y a encore des gens qui les utilisent, mais c'est devenu, il n'y a pratiquement plus personne, et là non plus, ils n'ont pas trouvé trop d'utilisation. Il y a mieux ailleurs. Parce que autant j'aime Twitter et j'aime pas du tout Facebook, mais autant dans 5 ans, par exemple, je me vois pas tweeter, et par contre, je vois encore tout le monde utiliser Facebook. Donc, je sais pas si ça va être une réalité, mais c'est vrai que le tweet, moi j'ai l'impression que je suis un petit peu dans une mode, moi. Enfin, ça c'est vraiment mon ressenti, c'est vraiment subjectif. J'ai vraiment l'impression d'être dans une mode et je me dis que peut-être dans un an j'en avoir marre de tweet. Ouais, de tweeter à chaque fois que tu fais un endroit, prendre une photo, Voilà. l'envoyer. Ouais. Et Mais après, je pense que à la limite, me lasser de tweeter peut-être, mais de regarder les tweets, non, parce que il y a vraiment des bons trucs qui passent. voilà, ça va être aussi le. C'est vraiment leur force, c'est que on suit généralement des personnes qu'on aime bien. Ouais, de domaines qui nous intéressent. Parce que sur Facebook, moi, quand je sais quand j'y étais, j'ai quitté Facebook il y a à peu près un mois et demi, c'était pas intéressant du tout à lire. Les statuts de profil étaient, c'était vraiment, vraiment pénible. Et les trucs les plus intéressants que je pouvais avoir, c'était une vidéo YouTube avec un chat qui jouait avec de la lumière. C'était vraiment comme ça que j'ai vécu Facebook et pourtant, j'avais 70, 80 personnes. J'essayais de pas trop en mettre. J'essayais de pas trop mettre les personnes que je faisais pas trop. Et c'était vraiment, ben voilà, il n'y avait pas du tout d'intérêt. Alors que sur Twitter, j'ai vraiment eu cet intérêt. Un nouveau podcast qui sort, je récupère directement. Quelqu'un qui, par exemple, qui crée une musique, une image, un dessin, The Bully qui fait un superbe wallpaper, hop, il le link, on le regarde tous. Et c'est vraiment. Il y a ce côté utile finalement, qui est vraiment super super pratique. Ah, exactement, ouais, voilà, comme je disais par rapport à MySpace, je pense que petit à petit, justement, les gens qui sont sur Twitter pour raconter leur vie vont finir par se lasser, vont aller sur les nouveaux réseaux qui vont naître entre-temps, et ceux qui sont vraiment là pour partager du contenu, pour lire du contenu, vont rester et continuer, je pense. Ouais, finalement, on a plus l'impression quand même que Facebook se cherche en allant partout. Voilà. Facebook ouais, se cherche en fait. Alors que Twitter s'est trouvé grâce aux utilisateurs et puis bah maintenant donc voilà donc on commence à tourner un petit peu en rond donc on va terminer cette discussion sur les réseaux sociaux. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Lucas? Non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, tout ce que je pensais. Voilà, donc je pense qu'on a fait un bon tour. Donc n'hésitez pas dans les commentaires de l'émission à rajouter si vous pensez qu'on a oublié des choses. Donc bah du coup on va en profiter pour donner nos Twitter, donc moi c'est par exemple Kamphis, Khamphis, et toi Lucas? Moi, c'est Loukous, Loukousse. Donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur iTunes, c'est vrai que je l'ai pas souvent dit ça, mais ça nous aide, on a que 6-7 commentaires, donc si vous avez le temps, Personnellement, je peux pas n'hésitez les pas. lire sur iTunes, les commentaires encore. Ah, moi je pourrais les lire, j'ai un Ouais, PC tu me les sous feras Windows. passer alors. Pas de problème. D'ailleurs, je tiens à remercier quand même ceux qui nous ont fait passer leur feedback, leurs commentaires et leurs petites critiques. Ça fait toujours plaisir. Puis ça nous aide à nous améliorer. Donc, ceux qui écoutent, hein, n'hésitez pas à faire de même. Que ce soit donc sur iTunes, sur Twitter, directement sur le site. C'est vrai qu'un gros merci pour les feedbacks. On a vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Ça nous permet d'améliorer à chaque fois les épisodes. Et donc merci merci beaucoup pour les feedbacks. Voilà. Au revoir Lucas. Au revoir à tous. Ciao Will.